نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد قال المؤلف حفظه الله تعالى من احكام الصلاه donc l'auteur qu'Allah le préserve nous dit parmi les règles de la salat, de la prière. Donc même en français, si on peut, on garde le terme salat. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà précisé auparavant, parce que le terme as-salat a un sens bien plus fort et bien plus complet que le terme prière. Parce qu'en français, une prière, ça veut aussi dire une invocation. Dans d'autres religions, lorsqu'ils disent faire sa prière, c'est faire une invocation. C'est évoquer le nom de Dieu. Ils appellent ça une prière. Alors qu'en arabe, as-salat, c'est une prière bien spéciale qui comporte des règles bien précises parmi des paroles et des gestes. As-sunna al-qabliya, c'est-à-dire la prière surérogatoire qui se fait avant. Elle s'appelle al-qabliya. Tusalla qabla al-fard. Cette sunna, on l'a fait avant la prière obligatoire. Wa-sunna al-ba'diyya. Et ça, c'est la prière surérogatoire qui vient après. C'est ce qu'on appelle al-ba'diyya. C'est-à-dire après la prière obligatoire. Alors, la sunna al-ba'diyya, bon, il n'y a pas de problème. On sait qu'elle est faite juste après la prière obligatoire. Mais pour la sunna qabliya, elle doit être faite après l'azan, après l'entrée de l'heure de la prière obligatoire, mais avant d'accomplir cette prière obligatoire. Tamahhal wanzur makana sujudika wa la taltafit. Donc, concentre-toi dans ta prière et regarde avec tes yeux, l'endroit dans lequel tu vas te prosterner, le lieu de ta prosternation, le lieu où ton front et ton nez vont être posés. Et ne tourne pas ta tête à droite ou à gauche. Tu dois te concentrer pendant ta prière. Ansif, إذا سمعت قراءة الإمام وقرأ إذا لم تسمع الإنصات et là c'est le verbe qui est conjugué أنصتَ ينصتُ إنصاتًا c'est de se taire et de se concentrer c'est plus que اسمع écoute Allah nous dit dans le Coran وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. Donc il a employé deux verbes qui se ressemblent un peu. فاستمعوا له. Donc lorsque le Coran est récité, est lu, écoutez-le. Puis il dit وانصتوا afin que vous soyez touchés par la miséricorde. لعلكم ترحمون. Et l'insat, c'est plus fort que istami'u. C'est plus fort que seulement écouter. Tu te dois d'écouter mais te concentrer et méditer. Tu te concentres, tu es présent de par ton corps et par ton cœur. Et ceci te demande de ne pas bouger, de ne rien bouger. C'est une concentration totale. Et là, on voit bien que il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas cette règle-là lorsque le Coran est récité. Il y a des gens, ils peuvent mettre du Coran ou quelqu'un récite le Coran à voix haute à côté, ça ne les empêche pas de parler. Ça ne les empêche pas de bouger. Et ça, c'est un manque de respect vis-à-vis du Coran. C'est un manque de respect vis-à-vis du Coran. Et c'est un manque d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a demandé d'écouter et de se concentrer lors de la lecture du Coran. De même que parfois, dans certains commerces, des librairies ou autres, on les voit mettre du Coran. Alors qu'ils savent qu'il y a la clientèle qui rentre, qu'ils savent que les gens vont parler, que les gens vont bouger. Les gens ne sont pas venus spécialement pour écouter le Coran. Et lui, il va parler avec ses clients pour les conseiller ou pour vendre. Donc, ce n'est pas un moment approprié à mettre le Coran. Donc, lorsqu'on met le Coran, on se doit de se taire, d'écouter et de se concentrer le plus possible envers cette lecture. On ne met pas le Coran pour un plaisir quelconque, si ce n'est le plaisir d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire lorsque le Coran est récité dans la prière et que les gens sont en état de prière, donc encore plus, hein, ils se doivent d'écouter et de se concentrer. Parfois, parmi les erreurs commises, pendant Salat al-Tarawih, et là, puisque c'est une prière qui est seulement recommandée, qui n'est pas obligatoire, il y a des gens qui restent dans la mosquée. Et les gens prient derrière l'imam. Et l'imam récite à voix haute. Et ça ne les empêche pas de parler, subhanallah. Ils sont au fond de la salle et ils discutent. Et en faisant cela, non seulement ils manquent du respect au Coran, ils font acte de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus de cela, ils perturbent les gens qui sont en prière. Ils perturbent les gens qui sont en prière et ils peuvent même perturber l'imam dans sa récitation. Et parfois, certains croient être bien intentionnés dans un sens, mais ils tombent dans un mal bien plus grand de l'autre côté. L'imam décide de faire plus que 11 raka'as. Je n'entre pas dans la divergence concernant le nombre de raka'as pendant Tarawih. La personne ne veut pas faire plus. Tayyib, pas de souci. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle et les personnes qui sont comme elle, eh bien, ils se mettent à discuter. Alors, soi-disant, ils ne veulent pas rajouter parce qu'ils considèrent qu'il ne faut pas faire plus, mais de l'autre côté, ils tombent dans des actes interdits, qui sont de discuter et de perturber pendant que les gens sont en état de prière. Donc, il te demande d'écouter et de te concentrer lorsque tu entends la récitation de l'imam et de réciter du Coran lorsque tu n'entends pas l'imam. Lorsque tu n'entends pas l'imam. Donc, d'un point de vue général, lorsqu'on est dans une prière à voix basse, ou dans les raka'as à voix basse, tout le monde doit réciter. L'imam récite et les gens derrière récitent. Lorsque l'imam récite à voix haute et qu'on entend, on se doit d'écouter la récitation de l'imam. Maintenant, si l'imam, même lorsqu'il récite à voix basse, et toi, tu es derrière, tu as récité, et tu as terminé ta sourate, ou le passage du Coran que tu voulais réciter, et que l'imam n'a toujours pas terminé, rien ne t'empêche de continuer à réciter. Hein? Tu peux continuer à réciter jusqu'à que l'imam, tu as fini une sourate, tu prends la sourate qui suit, ou une autre sourate. Tu peux réciter même plusieurs sourates dans une rak'a. Donc, au lieu de rester comme ça, silencieux, et l'imam est en train de rester à voix basse, et toi, ça va te pousser à quoi? À penser ou à réfléchir à des choses. Et à dire, l'imam, peut-être qu'il va faire le report. Non, récite toi aussi. Récite aussi des sourates, jusqu'à que l'imam arrive au moment où tu fasses le report. Fardul Jumu'ah rak'atan. L'obligation de Jumu'ah, la prière de Jumu'ah, elle est de deux rak'a. Wa la tajuzu illa fil masjid ba'da al-khutbah. Et elle n'est permise que dans la mosquée après le prêche du vendredi. Donc le vendredi qui est le meilleur jour de la semaine, ce n'est ni le samedi ni le dimanche. Les juifs se sont trompés et les chrétiens se sont trompés. Ils ont cherché le meilleur jour, les uns ont considéré le samedi, les autres le dimanche, mais ils se sont trompés. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a dirigés vers le meilleur jour de la semaine, et c'est le vendredi. Et le vendredi, c'est le nom d'une des sourates du Coran, où dedans il y a l'obligation d'aller à la prière du vendredi. Pendant cette prière, tout commerce est interdit. Hein, c'est interdit. On se doit de se diriger et de répondre à l'appel. Comme Allah nous dit bien dans le Coran, « Ya ayyuha allazina amanu, idha nudiya lissalati min yawmi al-jumu'ah, fas'au ila zikrillah, wa dharu al-bay' thalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. » Ô vous qui avez cru, lorsqu'il est fait appel à la prière pour le vendredi, empressez-vous, fas'au, empressez-vous d'aller au rappel d'Allah. Ceci est bien meilleur pour vous si vraiment vous le saviez. Donc, et la prière du vendredi, elle remplace complètement Dhuhr. Ça veut dire que ce n'est pas les deux rak'at de Jumu'ah qui viennent remplacer deux rak'at de Dhuhr. Et les deux khutbah, elles viennent remplacer deux rak'at de Dhuhr, comme certains le prétendent. Non. C'est une prière, c'est une autre prière qui vient prendre complètement la place de Dhuhr. Dhuhr, il n'y a pas ce jour-là pour ceux qui doivent faire le Jumu'ah. Il n'existe Dhuhr que pour ceux qui ne font pas le Jumu'ah. Comme le voyageur qui est en état de voyage et le vendredi, c'est l'heure de Dhuhr, il fait son Dhuhr. Pour la femme qui ne vient pas assister à la prière de Jumu'ah, chez elle, elle fera Dhuhr. Mais toutes les personnes qui assistent à Jumu'ah, il n'y a pas de Dhuhr ce jour-là, à ce moment-là. Et aussi une question que certains se posent, c'est sur l'horaire de Jumu'ah. Est-ce que l'horaire de Jumu'ah, c'est l'horaire de Dhuhr? Non. Jumu'ah commence avant l'heure de Dhuhr. Et il est arrivé à l'époque du prophète sallam qu'il fasse le Jumu'ah en fin de matinée. En fin de matinée, avant l'heure de Dhuhr, avant même le zénith. Alors que Dhuhr rentre un peu après le zénith. Mais en règle générale, le prophète sallam priait le Jumu'ah à l'heure de Dhuhr. En règle générale, il le prie à l'heure de Dhuhr. Mais c'est pour vous dire que ils ne sont pas liés dans toutes les règles. Et avant ces deux rak'a qu'on fait en jama'a avec l'imam, on doit assister à la khutba. On doit assister à la khutba dont l'imam fait deux khutba. Et la sunna veut que la khutba soit courte et la prière longue. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: Inna qisara khutbati ar-rajul wa tul salatihi ma'innatun min fiqhihi. Ma'innatun ay alamatun. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Certes, le discours court de la personne, de l'homme, du prêcheur, et sa longue prière est un signe de sa bonne compréhension de la religion. Est un signe de sa bonne compréhension de la religion. Donc la khutba, à l'origine, c'est une exhortation. On exhorte les gens. Une fois par semaine, on leur rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. On leur rappelle le paradis, l'enfer. On les encourage aux bonnes œuvres. On les fait éloigner des mauvaises œuvres. C'est un rappel. Et beaucoup de gens ont pris pour habitude de profiter du minbar de la khutba et du nombre de gens qui viennent pour cette prière, et ils ont fait sortir la khutba de son originalité. Et ils abordent des sujets qui n'ont rien à voir avec l'exhortation. Parfois, ils font un prêche qui peut durer jusqu'à une heure, même une heure et demie. Et tout ceci est contraire à la sunna. C'est contraire à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Parfois même, en hiver, tu vas pour faire une Jumu'ah dans certaines mosquées, eh ben, tu termines la prière de Jumu'ah, parfois même, tu entres dans l'Asr. Tu entres dans l'Asr, dans certaines mosquées. Ou alors, dans 5 minutes, il va y avoir l'Azan de l'Asr. Et tout ceci est contraire à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Fardul Maghrib Salaf. La prière obligatoire de Maghrib comporte 3 rak'at. Salli rak'atayni kama sallayta fi s-subh. Donc tu pries 2 rak'at comme tu as prié s-subh, comme on a vu dans le cours précédent. Wa 'inda al-intihai min qira'ati at-tahiyyat kulliha la tusallim wa qum ila ar-rak'ati ath-thalithah. رافعا يديك الى كتفيك مكبرا. Puis après avoir terminé le tashahhud, at-tahiyyat, tu l'as terminé, tu ne feras pas le salam, parce que pour subh à ce moment-là tu fais le salam, mais là tu ne le fais pas parce que ta prière n'est pas terminée, et tu te lèves vers la 3e rak'a en levant tes mains vers tes épaules. On en a parlé plus près, en plus de détails la dernière fois, en disant Allahu Akbar. Waqra al-Fatiha faqat. Et tu réciteras que al-Fatiha. Hein? Parce qu'en règle générale, tu récites al-Fatiha et une sourate dans les 2 premières raka'a. Et la 3e, et s'il y a la 4e, tu ne récites que al-Fatiha. Sinon, de temps à autre, tu peux réciter une autre sourate si tu veux. Mais en règle générale, tu respectes cela. وَتَمِّمْ صَلَاتَكَ ثُمَّ سَلِّمْ يَمِينًا وَيَسَارًا. Puis tu termines ta prière, en terminant ta 3e raka'a, puis tu feras le salam à droite, puis à gauche. فَرْضُ الظُّهُرْ وَالْعَصْرْ وَالْعِشَىٰ أَرْبَعْ. L'obligatoire, les prières obligatoires de الظُّهُرْ et Al-Asr et Al-Isha comportent 4 rak'a. If'al ma fa'altahu fi salati al-subh. Donc tu feras comme tu as fait dans la prière de subh, la prière de l'aube. Wa ba'da an taqra at-tahiyyat lillah la tusallim. Puis lorsque tu as récité at-tahiyyat, tu ne feras pas le salam. Wa qum ila ar-rak'ati ath-thalithah thumma ar-rabi'ah. Puis tu te lèveras pour la 3e raka'a et ensuite pour la 4e raka'a. Waqra al-Fatiha faqat. et tu réciteras seulement Al-Fatiha. Wa tammim salatak, et tu termineras ta prière. Thumma sallim yaminan wa yasara. Puis tu feras le salam à droite et à gauche. Al-Witr salat. Al-Witr, hein, on a déjà vu le terme qui veut dire impair et qu'on donne aux prières de la nuit. Donc, et il dit, elle est de 3 rak'ah. Bien qu'en plus de détails, tu peux faire 1, 3, 5, 7, 9, 11. Selon la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui avait pour habitude de faire 11 rak'ah toutes les nuits. Sinon, tu peux te contenter de faire 3 rak'ah. Salli rak'atayni wassallim. Tu feras 2 rak'ah et tu feras le salam. ثم صل ركعة منفردة وسلم. Puis tu feras une seule rak'a et tu feras le salam. Alors les deux rak'a, c'est ce qu'on les maghrébins pour habitude d'appeler al-shafa', bien que toute la prière elle s'appelle al-witr. Et la rak'a, c'est ce qu'ils appellent al-witr. Et il est aussi recommandé dans ces deux rak'a de réciter après le Fatiha dans la première قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Et dans la deuxième, dans la première, on récite surat al-A'la, سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. Et dans la deuxième raka'a, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Puis, la raka'a que tu fais toute seule, tu récites قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, suratu al-Ikhlas. والأفضل أن تدعو بما ورد قبل الركوع أو بعده رافعا يديك. Et le mieux dans cette rak'a toute seule est que tu récites un dua qu'on appelle dua al-qunut, dua al-qunut, avant ou après le recours. Hein, il y a des savants qui disent que si tu veux faire le dua, tu le fais avant le recours, d'autres qui disent après le recours. Ça c'est quand tu le fais tout seul. Sinon, pendant Ramadan, la sunna, c'est de le faire après le recours, en suivant l'imam. Et tu lèves tes mains en disant « Allahumma ahdini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, wa tawallani fi man tawallayt, wa barik li fi ma a'tayt, wa qini sharra ma qadayt, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yazillu man walayt, wa la ya'izzu man adayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt. » Là, il est au singulier. Fais du'a pour toi. Et l'imam, pendant Tarawih, il le fait au pluriel. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt. Jusqu'à la fin de la du'a. Mais là, tu le fais tout seul, tu le fais de cette manière-là, au singulier. Et même fait Tarawih, lorsque l'imam lève les mains, les gens derrière lèvent leurs mains. Pour Tarawih, les gens derrière, la sunna veut qu'ils lèvent leurs mains. D'accord? Et ils disent Amin lorsque l'imam fait des du'as. La sunna, c'est de se contenter de ces paroles ou des paroles semblables qu'on retrouve dans les hadiths. Amma, les longues du'as qu'ont pris les gens de faire, ça ne fait pas partie de la sunna. Jamais ça n'a été rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni d'après les compagnons radiallahu ta'ala anhum. Même s'il y en a beaucoup qui aiment ça, hein, qui aime les du'as qui durent une demi-heure ou trois quarts d'heure, mais ça ne fait pas partie de la sunna. Ça ne fait pas partie de la sunna. La sunna, c'est de se contenter de ces paroles qu'on retrouve dans les hadiths. Puis, habituellement, de faire cette du'a, si ce n'est pas une sunna, tu le fais de temps à autre. Tu le fais de temps à autre. Ça, c'est le plus proche de la sunna. Maintenant, il y en a qui font du'a al-qunut dans la salat al-subh, comme souvent chez les malikites, c'est ce qu'ils voient. Mais le hadith qui est rapporté là-dessus, il est da'if. Et les hadiths authentiques qui parlent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du'a al-qunut dans une prière obligatoire, c'est pour toutes les prières obligatoires et non pas seulement pour subh. Et il se fait à la dernière raka'a après le recours. Mais celui-là, on l'appelle Qunutu al-Nazila. Qunut al-Nazila. C'est-à-dire, c'est lorsque un malheur touche la communauté. Et là, les autorités demandent aux imams de faire les doigts. Et là, les imams le font et les gens derrière lèvent leurs mains et ils disent Amin. En suivant. Sinon, de faire doigts al-qunut tout le temps dans Salat al-Subh, ça ce n'est pas une sunnah. Ça ce n'est pas une sunnah. Et dans qunut nazila, qu'on fait dans les prières obligatoires, il n'y a pas de doigts précis. C'est selon la situation. Selon le problème que vit la communauté, l'imam fera des doigts. Comme le prophète Salam a fait des doigts contre des gens, contre des tribus qui ont fait du mal à la communauté. Et il a fait des doigts contre eux pendant le Qunut al-Nazila. Et la doigts, la de Qunut de l'Witr, rawahu Abu Daoud bi sanadin sahih, rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de narration authentique. قف وكبر إذا اقتديت بالإمام ولو كان راكعا. Donc tu seras debout et tu diras Allahu Akbar si tu veux suivre l'imam, même s'il est en état d'inclinaison. Alors des fois, on a des gens qui viennent dans la mosquée et l'imam est en recours, il est en inclinaison. Alors parmi les erreurs commises, il y en a qui courent. Ils n'ont pas à courir. Il y en a qui courent depuis dehors. Ça, c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, il va te dire, oui, mais c'est pour pas arriver en retard. Tu n'avais qu'à sortir plus tôt de chez toi. Et tu ne seras pas en retard. Déjà, à l'avance, tu étais en retard. De même que si tu prends le volant, ne fais pas le fou au volant. Tu es en retard, tu es en retard. Ah non. Si jamais tu as fait tes efforts, ben, tu es récompensé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu as été négligent, eh ben, ça sera aussi de la sorte. Bon, maintenant, t'es en retard. Ne tu mets pas ta vie en jeu, ni la vie des autres en jeu. Et tu n'as pas à courir ou à te précipiter. Tu viens avec quiétude, avec tranquillité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ » Lorsque vous venez à la prière, venez-y avec quiétude. Tu ne vas pas venir dire « Allahu Akbar » et tout essoufflé. Tu ne peux même pas réciter. Parce que ça t'a fait un sprint. Comme certains font. Ça, ce n'est pas sunnah. Taïf. Quand tu arrives, et tu arrives, donc tu rejoins le rang. Tu prends la place qu'il y a, et l'imam est toujours en recours. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais Allahu Akbar, puis après tu fais le recours. Et non pas tu fais le takbir du recours. Parce que ce takbir-là ne te fait pas entrer dans la prière. Celui qui te fait entrer dans la prière, c'est takbiratul ihram. C'est takbiratul ihram. Donc des fois, il y a des gens, ils arrivent, directement, ils se mettent sur le recours. Mais on se demande, est-ce qu'ils ont fait takbiratul ihram? Tayyib. Thumma al-haq bihi. Donc tu rejoins l'imam. Wa tuhsabu laka rak'a in lahiqtahu fi al-ruku' qabla an yarfa'. Et si tu as atteint le recours avant que l'imam ne lève sa tête, avant que l'imam ne dise Allahu Akbar, eh bien, elle te sera comptée comme une raka'a. Tu as rattrapé une raka'a. Elle t'est comptée cette raka'a. Tant que l'imam n'a pas commencé à se lever. Si au moment où toi tu fais le recours et lui il est en train de se lever, elle est partie la raka'a. Il faut que toi au moment où tu fais le recours, il est toujours en recours. Et là, ça te sera compté une raka'a. Sinon, elle n'est pas comptée. Cette raka'a-là, elle n'est pas comptée pour toi. Tu devras la rattraper. Les qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا أو راكعا فاركعوا أو قائما فقوموا ولا تعتدوا بالسجود. Lorsque vous trouverez l'imam en état de prosternation, alors prosternez-vous. Tu arrives, ils sont en prosternation. Tu les rejoins dans la prosternation. Ah, des fois, il y a des gens, ils font des choses, je ne sais pas où ils les ont inventées, comment ils ont fait. Et il arrive, et les gens, ils l'ont déjà précédé dans la prière. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il commence sa prière. Il fait déjà ce qui lui manque, rapidement, pour comme ça il puisse rattraper l'imam. Ça, ça n'existe pas dans la sunna. Et si vous le trouvez en état de recours, en état d'inclinaison, alors inclinez-vous. Et si vous le trouvez debout, vous resterez debout. Lorsque vous l'avez attrapé alors qu'il était en état de prosternation, vous ne compterez pas ça comme une raka'a. وَلَا تَعْتَدُّ بِالسُّجُودِ. Vous ne le comptez pas. Ce n'est pas une raka'a. Vous avez attrapé l'imam à ce moment-là, mais vous ne le considérez pas comme une raka'a. Tant que vous ne l'avez pas rattrapé au moment où il était fait recours, au moment où il était incliné. Hadith authentique, sahih, rawahu al-bayhaqi. Wa huwa fi silsilati al-hadith al-sahiha. إذا فاتتك ركعة أو أكثر مع الإمام فتابعه حتى آخر الصلاة ولا تسلم مع الإمام وقم إلى صلاة الركعات الباقية. Si tu as raté une raka'a ou plus avec l'imam, tu suivras l'imam pour la prière. Mais lorsque l'imam fera le salam, tu ne le fais pas. Parce que pour toi, la prière n'est pas terminée. Et tu te lèveras et tu prieras les raka'a qui te manquent. Alors là, la personne, elle arrive, il lui manque une ou plusieurs raka'a, et l'imam a fait le salam. L'imam a fait le salam. Donc il doit se lever. Il doit se lever. Alors, ce qu'il va rattraper, comment il le rattrape? Il le rattrape en faisant en sorte que c'est la fin de sa prière, ou alors il le rattrape en faisant en sorte que c'est le début de sa prière. Hein? Alors? Vous avez compris ou pas? Non? Tayyib, je vais vous faciliter la tâche. La prière de l'Maghrib. La personne, elle arrive, ils sont dans la deuxième raka'a. Il lui manque la première. Tayyib. Il fait avec l'imam la deuxième et la troisième. L'imam fait le salam, lui il se lève. Si lui il considère que c'est sa première raka'a, il va réciter à voix haute, une sourate, la fatiha, et puis une sourate. Si lui considère que c'est la fin de sa prière, il va réciter à voix basse, avec la fatiha. Alors c'est quoi qu'il doit faire? Alors il y en a qui disent, une divergence qui existe depuis de longues dates, qui disent que il rattrape ce qu'il a loupé avec l'imam. Donc, pour lui, il considère que c'est sa première raka'a qu'il n'a pas fait avec l'imam, donc il fera comme si c'était sa première raka'a. Et il y en a qui disent que non, que pour lui, quand il est rentré avec l'imam, bien que eux c'était leur fin de prière, pour lui c'est son début de prière. Et donc, lorsqu'il va rattraper, il considère ça comme sa fin de prière. Et c'est l'avis le plus probable, wallahu a'lam. C'est de faire comme si c'était la fin de ta prière. Ceci dit, la porte est grande ouverte, les gens peuvent être convaincus par tel ou tel avis, mais lorsque la personne veut réciter à voix haute, qu'elle ne le fasse pas comme certains le font. Hein, tu n'es pas seul dans la mosquée, donc tu rattrapes tes rak'as, pas de souci. Mais récite, même quand tu dis à voix haute, tu te fais entendre que toi-même. Hein, tu ne perturbes pas les gens qui sont à côté de toi. احذر السرعة في الصلاة فإنها مبطلة لها. Fais attention à ne pas être trop pressé, trop rapide dans ta prière, car ceci peut l'annuler. Si tu fais les gestes trop rapidement, cela peut annuler ta prière. فقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يسرع في صلاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme prier rapidement. فقال له, et il lui a dit, ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Il lui a dit, retourne et prie car tu n'as pas prié. Imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est assis avec certains de ses compagnons, radiallahu anhu, un homme entre et il fait sa prière. Lui, pour lui, il a prié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a considéré comme s'il ne l'avait jamais fait. Il lui a dit, retourne et prie car tu n'as pas prié. Ça, ce n'est pas une prière. فقال له في الثالثة. Et il lui a dit la troisième fois. Parce que la personne, ça lui est arrivé trois reprises. Il repart, et il refait sa prière, et il revient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui dit, retourne et prie, car tu n'as pas prié. Et il y va, il recommence une troisième fois. Et là, cet homme lui dit, Allimni ya Rasulallah, enseigne-moi au messager d'Allah. Pour lui, c'était ça la prière. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas vraiment. Il croyait que c'était comme ça qu'il fallait faire la prière. Donc là, à ce moment-là, il demande au prophète de lui enseigner. Faqala, irka' hatta tatma'inna raki'a, thumma rfa' hatta tastawiya qa'ima, thumma sjud. حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا متفق عليه. Et ça, c'est une partie du hadith qui nous concerne. Il lui a dit, incline-toi jusqu'à ce que tu sois bien convenablement dans ton inclinaison. C'est-à-dire que tous les os ont pris leur place. Tout est bien droit. Puis, relève-toi de ton inclinaison jusqu'à être bien debout. Puis, prosterne-toi jusqu'à être bien dans ta prosternation. Puis, relève-toi de la prosternation jusqu'à être bien assis. Et que chaque os a repris sa place. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ça, c'est important. Lorsqu'on dit parfois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raccourci sa prière ou a allongé sa prière, c'est dans la récitation. Lorsqu'il entendait les pleurs des bébés ou des enfants, c'est dans la récitation. Au lieu de réciter longuement, il récitera moins. Mais pas en volant de l'inclinaison ou de la prosternation ou de la position assise, non. Ça, il y a un minimum de temps à respecter. Que chaque membre ait pris bien sa place. Il y a des gens, lorsqu'ils prient, hein, ils sont là assis, ils font sujoud, ils relèvent à peine leur tête qu'ils retournent au sujoud. La position assise, elle n'existe même pas. Et ils considèrent qu'ils ont fait leur prière. Lorsqu'ils veulent faire recours, à peine ils se penchent qu'ils se relèvent. Et parfois même, ils ne se relèvent même pas. Ils se penchent un tout petit lever de tête et ils partent dans le sujoud. Tout ceci n'est pas une prière. Donc il y a un minimum à respecter. On ne demande pas aux gens de faire trop long, sauf lorsqu'ils sont seuls, ou ils sont avec des gens qui veulent faire une longue prière. Sinon, bien sûr, il faut respecter les gens qu'il y a derrière. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont faibles, et ainsi de suite. Mais ça ne doit pas prendre de l'inclinaison ou de la prosternation ou de l'assise ou de la position debout. C'est comme pour tout à l'heure le regard. Il y en a, ils sont en prière, ils regardent partout. Ils te regardent même, ils te fixent. Hein? Voilà, ils regardent. Et même s'il entend une histoire drôle, peut-être qu'il va sourire, il va rigoler aussi pendant sa prière. Aucune concentration. Donc, non, ça ne fait pas partie d'une bonne prière. Bon. إِذَا فَاتَكَ وَاجِبٌ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ فَتَرَكْتَ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ مَثَلًا أَوْ شَكَكْتَ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فَخُذْ بِالْأَقَلِ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ وَسَلِّمْ وَهَذَا يُسَمَّى سُجُودِ السَّهُو. Si un acte obligatoire de la prière te manque, tu l'as oublié, tu as omis de l'accomplir. Par exemple, tu as délaissé la première assise pour le tashahoud, le premier tashahoud, hein, dans une prière où il y a deux tashahoud. Ou alors, tu doutes sur le nombre de raka'at, tu ne sais plus, t'en es où, j'ai fait trois ou quatre, je suis à la deuxième ou à la troisième. Tu prendras le moindre, le chiffre moindre. Par exemple, si tu doutes entre deux et trois, tu considères que tu as fait deux. Pourquoi? Parce que ton doute, il est sur le trois. Quand tu dis je doute, est-ce que j'ai fait 2 ou 3, tu es sûr d'avoir fait 2. Seulement tu ne sais pas si tu as fait 3. Donc, tu considères que tu as fait 2. Tu doutes entre 3 et 4, tu considères que tu as fait 3. Puis, à la fin de ta prière, à la fin du tashahhud, tu feras 2 sujouds. Tu rajouteras 2 sujouds, puis tu feras le salam, et ceci est appelé sujoud as-sahou. Et Inch'Allah, on en parlera plus amplement dans le prochain cours. Inch'Allah, wa sallallahu wa sallam wa baraka amina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Donc samedi prochain, il n'y aura pas cours. Le samedi d'après, Inch'Allah, dans 15 jours, donc après l'Asr. Fini, papa.